Nos voix persistent. Chaque souffle tombe, chaque cri résiste. Riders Guild charme, son nom demeure. Les viewers vibrent guidés par son ardeur. Chaque mot s'éteint dans la clairière. Obsession règne, fièvre forestière.